Pages arrachées à Sylvain Tesson. Essais et nouvelles. Feuilleton en 5 épisodes. Extrait choisi par Julie Aminte. Une réalisation de Michel Sidoroff. 4e épisode du pophigisme comme état d'esprit. Mais qu'est-ce donc que le pophigisme ? Ce néologisme inventé par Sylvain Tesson est inspiré d'un mot russe intraduisible en français et qui désigne une attitude face à l'absurdité du monde et à l'imprévisibilité des événements. C'est une résignation joyeuse, désespérée face à ce qui advient. Les adeptes du pophigisme accueillent les oscillations du destin sans chercher à en entraver l'élan. Ils s'abandonnent à vivre. Le pophigisme est au cœur du recueil de nouvelles de Sylvain Tesson publié en 2014 sous le titre « S'abandonner à vivre ». Disséminés aux quatre coins du globe, ces personnages sont tous victimes de cruels coups du sort, mais n'en demeurent pas moins avides d'aventures et d'expériences inédites. C'est le cas de Constantin dans la nouvelle qui suit. L'ermite. S'accouder au bastingage d'un bateau est aussi agréable que se tenir au comptoir d'un bistrot, les yeux sur les taches rondes laissées par les verres. La Léna coupait la taïga. Il restait 2000 km jusqu'à la mer des Laptiefs. Le navire, un bateau à vapeur de l'époque brejnevienne, marchait à 8 nœuds. Les Russes le mettaient en service pendant la saison d'été. Ces hommes avaient supporté le communisme pendant 70 ans et continuaient à entretenir des machines hors d'âge. Les Russes n'ont aucun respect pour leur propre existence, mais un sens pathologique de la conservation des objets. Je me souviens d'un numéro de « Pour la science » de novembre 1997. Un entomologiste allemand y expliquait que le hanneton ne peut mathématiquement pas voler. Si l'on modélise les paramètres anatomiques et physiologiques de l'insecte, son poids, la surface de ses ailes, la fréquence des battements, il devrait s'écraser. Le miracle est que la bête se montre capable de voler contre les lois algébriques. La course du hanneton dans le ciel de juin est un camouflet à la science. En regardant l'eau du fleuve caresser les flancs de la coque, je me disais que la Russie est aux nations ce que le hanneton est à l'évolution. Une aberration. Ce pays au bord de l'écroulement poursuit de siècle en siècle sa marche inaltérable. Il titube, mais ne s'effondre pas. Donc, les sapins. Ils défilaient bien sages et vieux de près d'un siècle. J'avais peut-être eu tort d'embarquer. Le défilement d'une rive fluviale aux environs du cercle arctique est une expérience métaphysique de la monotonie. Je buvais une bière Baltica numéro 3 dans une chope de verre à grosse incrustation. Parfois, je levais mon verre et essayais d'aligner le niveau du liquide avec l'horizon. Une façon de trinquer avec le monde lorsqu'on boit seul. Je reconnus tout de suite le capitaine, un Flandrin de 50 ans, étonnamment efflanqué pour un Sibérien. Les hommes massifs jouissent de respect ici, et j'ai vu des Russes vider un pot de mayonnaise à la cuillère à soupe, alors qu'il ne faisait même pas très froid dehors. Ses cheveux bataillaient dans le vent. Il avait une veste de tergale mal coupée, avec trois barrettes aux épaules. Pour rire, je me mis au garde à vous. Il me rendit mon salut. Je fus honteux, car il se figea avec beaucoup de dignité. C'est vous le français ? Oui. C'est à la vente. Ils m'ont dit que nous avions embarqué un français pour la croisière et qu'il fallait essayer de ne pas s'échouer. Ah ! Pour l'image du pays. Ah. Est-ce que Pierre Richard est toujours en vie ? Oui. Et Mathieu ? Le peintre ? Non, Mireille. Je crois qu'elle est morte. Non, pas du tout. Elle est en vie. Je pose la question aux passagers français pour voir. Vous pensez tous qu'elle est morte. C'est un mystère. Admettons. Tout va bien à bord ? Oui, merci, c'est très agréable. Vous visitez la Yakoutie ? Non. Enfin, oui. C'est-à-dire que je suis ingénieur. Je travaille là-haut. Je fis un petit geste vers la proue. Sur les plateformes pétrolières de la mer Arctique. Ah. Oui. Lukoil ou Sibneft? Lukoil. Et là, vous vous rendez à votre travail en bateau à vapeur? Il ne me croyait pas. 3 jours d'embarquement m'avaient donné l'allure d'une épave. Je ne ressemblais pas à un sismologue capitaliste. J'avais 10 jours. Au lieu de rentrer en France, je suis descendu à Yakoutsk. Et je reviens lentement au boulot en me payant une croisière. En France, on dit faire d'une pierre 2 coups. En russe, le même coup de knout pour 2 innocents. Le capitaine s'appuya sur le bois dépoli du plat-bord. Il était agité et un peu triste. Je le classais dans la catégorie « artiste » de la typologie que 3 années de séjour dans l'Arctique sibérien m'avaient permis d'élaborer. Les Russes sont dotés de personnalités marquées par l'histoire. Le temps agit en gouge sur leur visage. La violence, l'âpreté ont sculpté des sillons dans la viande des faces. Dans les longueurs de la nuit arctique, là-haut, coincé dans ma prison offshore, je rêvais souvent d'écrire une anatomie des foules russes, à la manière de Gustave Le Bon. Lorsque je rencontrais un Russe, je le rangeais dans l'une des 5 catégories sociomorphologiques auxquelles, pour le moment, aucun de mes interlocuteurs n'avait échappé. Artiste itinérant et persécuté. Escogriffe à peau pâle, yeux délavés, gestes brusques, tient des propos inconséquents, cheveux filasses, conversation confuse, plus proche du charabia dostoïevskien que de la tendresse tourguenievienne, intérêt marqué pour l'ésotérisme et toute forme de spiritualité, sauf coranique. Chasseur sanguin et bout en train. Personnage gros, fort, peau tendue et très rose, yeux bleus, cheveux drus, blonds et souvent ras, très énergique, bavard, voix forte, grand buveur, équivalent slave du tartarin provençal, vit en province ou dans un village, doué pour la combine et la mécanique, terrible sens pratique, indifférence abyssale pour l'art. Conspirateur raspoutinien neurasthénique, type brun, phénotype abkhazo-géorgien, petite taille, très marqué par les tragédies, cachant sa morgue sous une barbe ou une moustache brune, silencieux et soumis d'apparence, héritier d'un passé complexe et trouble, idée politique proche du nihilisme, mépris assez élégant pour la vie, a alimenté les rangs des penseurs blêmes et anti-tsaristes de la fin du 19e. Jeune fantassin enthousiaste casseur de fascistes, type musclé, beau apollinien, sourire carnassier, nez très fin, visage viril, aurait pu servir de modèle pour les sculptures staliniennes ou de figurant dans une charge héroïque filmée par Eisenstein. Businessman arriviste enrichi par la chute de l'URSS, parasite qui doit sa prospérité au dépeçage de l'Union soviétique, individu flasque, blanc et gros, cachant son manque d'éducation et sa crasse culturelle sous des vêtements lamentablement assortis, un amas de gadgets prétentieux et la satisfaction de soi-même. Possède davantage de sens du kitsch que du beau, souvent moscovite, considère la nature comme un parc d'attractions et les bêtes sauvages comme des cibles pour le tir à la carabine. Capitaine. Oui. Je vous offre une bière. Merci, oui. En France, les capitaines disent toujours qu'ils ne doivent pas boire pendant le service. Ah, la délicatesse, la France, la civilisation. Je pensais qu'ils se moquaient. Je revins avec une Baltica numéro 3, fraîche. L'or crépita sous la mousse. Nous trinquâmes à la rencontre. La rive s'éternisait. Nous passions en revue la morne plantation des sapins verts de bronze, baïonnette des immensités. le grondement du moteur nous paraissait aussi naturel que les battements de nos cœurs. Apparut une trouée dans les bois, une clairière d'une centaine de mètres de largeur courant le long du fleuve. Une cabane en ruine trônait au milieu d'un champ de souche. Les herbes envahissaient la place. Le tableau me fit une forte impression. Il s'en dégageait une beauté violente. C'est la cabane de Constantin le Bienheureux. Un saint ? Il vit toujours. Ici ? Déjà, le bateau emportait la vision. Le sillage d'un navire est pareil à la vie, une broyeuse. La clairière, en arrière, trouée d'une tache floue la muraille des arbres. Le capitaine fixa la valle. Non, la cabane est abandonnée. Lui, je l'ai bien connu. C'était un chauffeur de tramway de Yakoutsk. Un type magnifique. Un jour, sa femme est morte d'une phlébite et lui décida de vouer son âme à Dieu. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle ? Dans le malheur, certains maudissent le nom de Dieu et d'autres se précipitent vers lui. Tout dépend de l'amour dont vous a comblé votre mère. Votre mère ? L'intensité de la foi est inversement proportionnelle au degré d'affection reçue. Les enfants qui ont été trop choyés font de mauvais chrétiens. Les autres cherchent la chaleur dans la prière. Le Père est une mère pour les mal-aimés. Ah. C'est ce que je crois. Oui. C'est une théorie. Et Constantin ? Quand Aliona a mouru, il démissionna de la compagnie urbaine de transport. C'était pendant la perestroïka de Gorbatchev. Il vendit son appartement et il disparut. On retrouva sa trace 6 mois plus tard. Il s'était construit la cabane que vous avez vue. Un cube de 3 mètres sur 4 avec un poêle, 2 fenêtres et un auvent pour les bûches. Pourquoi avez-vous craché dans l'eau ? Gorbatchev a liquidé notre union. C'est moins qu'une bite. Et Constantin, de quoi vivait-il ? Il avait apporté des vivres de la ville, des bidons de farine, du riz et du thé. Parfois, un bateau s'arrêtait pour lui déposer les produits. Il pêchait et chassait un peu au début, mais très vite, il a arrêté parce qu'il ne voulait pas détruire les créatures de Dieu, comme il disait. De temps en temps, je lui rendais visite, surtout l'hiver. Je partais de Yakoutsk à l'aube, et en 8 heures de route sur la glace, j'arrivais chez lui. Il vivait pauvrement. Il aimait bien me voir, je crois. Il m'offrait du thé, on s'asseyait devant la fenêtre, et il me parlait de Séraphim. Séraphim ? Séraphim. Qui est-ce ? Séraphim de Sarov, un saint russe. Un renonçant reclus dans la forêt pendant 15 ans, au siècle dernier. À la fin, le saint est devenu légèrement abruti, les ours venaient lui manger dans la main. La nuit, il se couchait contre le flanc des cerfs. Vous, vous avez saint François d'Assise, nous, nous avons Séraphim. Des hommes qui ont tiré les conclusions de la vie en société et ont fini par préférer la conversation des bêtes. Constantin voulait lui ressembler. Et alors ? Au début, ça a bien marché. Il était heureux, il se consolait de son deuil, il priait l'icône de la Vierge de Kazan pendant des heures, il jeûnait et partait dans les bois avec son chien. Une ou deux fois, je l'ai accompagné. C'était un drôle de spectacle. Il s'adressait aux choses. Il saluait les oiseaux, il caressait les arbres. Il demandait de leurs nouvelles aux fleurs. Parfois, il se penchait sur un petit champignon et il le félicitait de sa bonne couleur, rose. Ou bien, il voyait que le travail d'une fourmilière n'avait pas beaucoup avancé. Il disait doucement, « Ce n'est pas bien, petite mère. L'hiver approche et vous n'êtes pas prête. » Pour tout dire, il était cinglé. Un jour, je l'ai vu avaler un quignon. Il s'est assis sur la mousse et il a mangé son pain en le partageant avec un petit scarabée, des fourmis, un oiseau qui guettait sa part sur une branche de mélèze et un écureuil qui descendait de l'arbre pour chercher la sienne et remontait aussitôt pour la dévorer. Je regardais la scène. Constantin s'est levé et a dit « Mes amis t'ont trouvé très sympathique. » Il ressemblait à quoi ? Il a beaucoup maigri la première année. Il a commencé à perdre ses dents. On ne comprenait plus grand-chose à ce qu'il racontait. La barbe avait tellement poussé. Il y avait ses deux yeux bleus. On avait l'impression qu'ils allaient foutre le feu à la broussaille. Quand il croisait un animal, il devenait joyeux. Mais dès qu'il rencontrait un homme, son regard se voilait, son front se plissait, quatre sillons. C'était devenu un ange. Il s'éloignait de nous. Mais pas de vous. Moi, il me tolérait. J'étais son ami. Je ne parlais pas trop, je partageais son silence, je ne posais aucune question. Il m'avait dit une fois que les questions sont des coups de poignard, la marque du sang-gêne. Les gens arrivent, ne vous connaissent pas, vous secouent la main et se mettent à jouer au flic en vous assommant de questions. Je pouvais rester une soirée entière à boire le thé avec lui sans un mot. Ces courtes visites me changeaient de mon foutu vapeur. C'était des incursions dans la Russie d'autrefois. Dans la Russie de Leskov ? Dans la Russie de Lermontov. Dans la Russie de Chestov. Monsieur a ses lettres. J'ai surtout du temps sur les plateformes, là-haut. Lui aussi, il avait du temps. Imaginez l'hiver, seul, dans un cube de rondin. Dehors, moins 40, le vent, le soleil qui rôde. Malade, pendant 5 ou 6 heures, dans un ciel de clinique. Et les heures blanches, épouvantablement silencieuses, qui passent. Qui tombent, une à une, identiques. Et lui, devant la fenêtre, à regarder le cadavre de l'hiver, en serrant dans sa pogne sa tasse fumante. Après, il y a eu un problème. Il a bu ? Non, mais à Yakoutsk, on a commencé à parler de lui. Un ermite à 8 heures de route de la ville, c'est un spectacle. Irina Soltnikova, une journaliste du quotidien de la région autonome, a passé 2 heures là-bas. Et elle a fait un papier à la con. Saint Séraphim de Yakoutie. Avec une photo de Constantin qui avait un regard bizarre. L'article précipita les choses. Il commença à recevoir des visites. Chaque week-end, les gens venaient par voie de glace, en voiture, avec la famille. Ils étaient pleins de bonnes intentions, ces abrutis. Ils allaient voir le fol en Christ, le reclus des taïgas, comme on l'appelait. Ils lui apportaient de la farine, du fromage, de la bière. Ils se faisaient prendre en photo, ils lui disaient « Bravo, continuez, on en rêve tous !» Ils lui mettaient la main sur l'épaule. Lui aurait préféré recevoir un coup de poing dans la figure qu'une tape familière. Et puis les gens repartaient en laissant leurs traces de pas dans la neige. Constantin était devenu une attraction et sa clairière un zoo. Il y a des ermites qui ont fini assis sur des colonnes. Était-ce pour se rapprocher de Dieu ou pour fuir les emmerdeurs ? C'est une bonne question. Et il est parti ? Non, il a fait mieux. Il avait tué et dépecé un ours au moment de son installation. Quand une voiture pointait au loin, il s'enroulait dans la peau, passait un collier de dents et de griffes de fauve et recevait les gens comme cela, un bâton à la main. Il ne répondait plus à aucune question. Il poussait des grognements. Vous imaginez les gens flanqués de la marmaille, venus pique-niquer avec le sage de la Léna, et qui se retrouvaient devant un sauvage à demi aliéné ? Cela en a découragé certains, mais il y avait toujours des candidats. Vous savez, le regard d'un singe dans une cage est l'une des plus grandes hontes de l'homme. Et cela n'a jamais dissuadé aucun bourgeois de traîner son mioche aux eaux. Je n'ai jamais été aux eaux. Et je n'ai pas d'enfant. Moi non plus. Et puis, au milieu de l'été, il a tombé la peau d'ours et il est resté tout nu. Les types arrivaient chez lui pour passer la journée et ces salauds avaient le culot de dire « Constantin, voyons, tu ne peux pas rester tout nu, il y a nos femmes. » Et qu'est-ce qu'il répondait ? Il hurlait. Il courait dans la clairière, la bite à l'air, avec sa barbe de 2 ans, en beuglant comme un chameau. Voilà ce qu'il a commencé à faire. J'aime autant vous dire que les gens ne restaient pas longtemps. Une fois, des types sont venus d'Irkoutsk pour le voir. Des espèces d'ethnologues, des savants, très préoccupés de notre Constantin. Quand ils sont arrivés dans la clairière, ils l'ont trouvé couvert de boue, en train de se rouler dans une flaque, comme un sanglier. Il les a chargés, les pauvres types qui s'étaient tapés 5 heures d'avion et 10 heures de bateau à moteur, sont repartis en courant. Ils ont raconté partout que le chien de Constantin lui-même semblait mort de peur et avait essayé de s'enfuir avec eux. Du coup, Irina Soltnikova, celle par qui tout est arrivé, s'est sentie responsable. Elle est venue trouver Constantin en plein été. Quand il a vu le canot à moteur aborder la berge, il est monté sur le toit de sa cabane et il est resté là, à poil, pendant 2 heures. Tantôt sur une jambe, tantôt sur l'autre, battant des bras avec de brusques mouvements de cou. Irina tournait autour de la cabane en essayant de le raisonner. Elle rentra à Yakoutsk sans avoir pu échanger une parole et décréta qu'il était devenu dingue. Elle avait raison, non ? Moi, je pensais que c'était un stratagème. Il voulait la paix. Les fous ont la paix ? Il jouait au fou. Je lui rendis visite avant la fin du mois d'août cette année-là. Je le trouvais au milieu de sa clairière, enduit de confiture de myrtilles et couvert d'abeilles. Il murmurait « Venez, mes petites, venez, régalez-vous bien. » Et quand je me suis approché et que j'ai murmuré « Constantin, c'est moi », il a ouvert les yeux, les a levés au ciel, il s'est raidi, il a plissé les lèvres et il a fait « Il ne m'a même pas reconnu. » Et maintenant ? Il a trouvé la paix, le silence et la solitude de ses débuts d'ermite. Ah, il s'est installé ailleurs ? Oui. Plus loin ? En quelque sorte. Comme vos ermites à la colonne. Et à peu près. Il est aussi isolé ? Plus encore. Et plus tranquille ? 1000 fois. C'est aussi paisible que sur les rives de la Léna ? Incomparablement plus. Silencieux ? Mieux que cela. Pas un bruit. Les gens ne viennent plus le voir. Ils ont compris ? Non, ce n'est pas ça. Mais les visites sont interdites dans la zone de confinement du centre de pathologie psychiatrique de Yakoutsk. C'était « Pages arrachées à Sylvain Tesson », extrait choisi par Julie Aminte. 4e épisode du pophygisme comme état d'esprit. Avec Arnaud Bédoué, le voyageur français. François Sienner, le capitaine. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Enregistrement, montage et mixage, Benjamin Vignal, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Michel Sidoroff.